inattendu, tout est son contraire. Sur l'être humain et la biosphère, rien ne tient dans le temps, tout se transforme. Même le meilleur sentiment change de forme. Rien sur l'état initial. Il y a eu changement de vocal. Pixel dans l'univers, un peu plus que rien forme un tout sur la terre. Rien ne tient dans le temps, tout se transforme. Même la pure beauté devient difforme. Retourne au néant initial, à l'entité spatiale.